Bonjour, bienvenue chez Clémentine Connexion. Vous appelez pour un déménagement ou une nouvelle installation? Faites-le 1. Résilier un contrat? Faites-le 2. Une offre, une option ou une modification de contrat? Faites-le 3. Votre facture ou vos paiements? Faites-le 4. Une assistance technique sur votre ligne, votre connexion Internet ou vos équipements? Merci de raccrocher et de contacter nos spécialistes au 99 00 en prononçant « assistance technique » ou, si votre ligne est en panne, composez le 816. Pour faciliter le traitement de votre demande, merci de vous munir d'un RIB, d'une carte bleue, ainsi que du nom ou du numéro de téléphone de votre prédécesseur ou du voisin le plus proche de votre nouvelle adresse. Pour vous assurer qualité de service et sécurité des transactions, cet appel peut être enregistré. Vous pouvez refuser l'enregistrement auprès du conseiller. Un conseiller va vous répondre dans moins de 2 minutes.